Nul dans la famille n'y prêta beaucoup d'attention. Kotaro lui-même avait tant de choses importantes et nouvelles à faire. La mère s'était installée dans l'opulence, comme si elle lui était due. Elle menait grand train, s'achetait des robes de prix, s'offrit même un palanquin. Elle voulut rivaliser avec les plus belles dames de la ville. Un jour, elle s'aperçut que le tas d'or dans le coffre où elle puisait sans contrainte diminuait. Bientôt, on atteignit la côte d'alerte. Alors, elle se souvint de sa bru. « Ma fille, dit-elle brutalement, vous allez vous remettre au travail et nous tisser une étoffe que mon fils pourra vendre à la capitale et peut-être à la cour. » Et elle rêvait déjà, avec gourmandise, au gros tas d'or qu'il pourrait entasser dans le coffre. « Mère, intervint faiblement Kotaro, vous savez bien que ce tissage particulier est très épuisant et que mon épouse a été longtemps malade à la suite. « Bagatelle, interrompit la mère, les jeunes d'aujourd'hui se plaignent pour un rien. » Elle renouvela sa demande tous les jours. Elle ne laissait pas un instant son fils en paix, tour à tour insistante, autoritaire, enjôleuse, ou se plaignant avec amertume. Tu refuses d'accorder ce dernier plaisir à ta vieille mère, qui s'est tant sacrifiée pour toi. À la fin, Kotaro céda. Fais ce que demande la mère, dit-il à l'humble Ozaku. Sa tendre épouse lui jeta un long regard, où se mêlaient le désespoir et la résignation. Cette fois, dit-elle seulement, il me faudra demeurer 3 mois dans le grenier. N'en profitez pas pour paresser, ma bru, cria encore la mère, alors que l'humble Ozaku disparaissait dans les combles. Pendant un mois, la mère contint son impatience. Mais un soupçon la taraudait. Que faisait sa belle-fille? Rêvait-elle au lieu de travailler? Elle avait manifesté si peu d'enthousiasme. Et la mère, songeant aux pièces d'or, luisant doucement dans la pénombre du coffre, sentait son cœur brûler de convoitise. Un matin du 2e mois, elle ne put résister davantage et, malgré sa promesse, monta au grenier. Arrivée devant la chambre de sa bru, elle colla l'oreille au chambranle. Aucun bruit. À peine distinguait-on le battement doux et régulier d'un métier à tisser. Alors, dévorée par la curiosité, la mère entr'ouvrit la porte, très peu, d'un souffle, juste l'espace nécessaire pour jeter un coup d'œil. Oh, ce qu'elle vit lui fit jeter un cri d'effroi. Devant un grand métier à tisser, une grue cendrée s'arrachait les plumes des ailes pour fabriquer le tissu merveilleux. Elle était éclaboussée de sang, et sa pauvre tête était exsangue. La mère demeura pétrifiée sur le seuil. La grue cendrée réunit ses dernières forces et s'envola par la fenêtre. Kotaro la retrouva le soir, à la lisière du bois. Ses ailes mutilées l'avaient empêchée d'aller plus loin. La belle grue cendrée mourut non loin du pin où Kotaro l'avait jadis trouvée, tandis que le soleil déclinant caressait une dernière fois les tons d'ardoise, le ciel gris nuancé d'argent de sa robe trouée. La passion sèche des ambitieux, des avides de cœur, le désir effréné des honneurs, du pouvoir, la soif de richesse. La course et la soif et la course à la fois, dit le poète. Le besoin de posséder, d'avoir toujours davantage, sans fin, ni trêve, ni laisse. Voilà le malheur de l'homme et sa prison. Le zen nous ouvre les yeux. Il enseigne le non-attachement, la légèreté, la sagesse de l'humour. Il permet l'oubli de soi, la compassion. Il nous offre la paix intérieure et la liberté.